Chapitre 20e. Pendant le peu de jours qui précédèrent l'arrivée de Henri David chez Madame Bastien, l'état de faiblesse qui, chez Frédéric, avait succédé à la fièvre nerveuse fut si accablant pour lui qu'il ne put sortir de la maison maternelle. Le temps s'était d'ailleurs complètement hiverné, ainsi qu'on dit dans le pays. Une neige précoce couvrait la terre, tandis qu'un humide et épais brouillard obscurcissait l'atmosphère. Ces circonstances, jointes à l'état d'atonie de son fils, avaient facilité la surveillance de Madame Bastien, qui de toute la journée ne le quittait pas. La nuit venue, les volets de la fenêtre de Frédéric étaient solidement maintenus en dehors, et toute évasion lui était impossible lors même qu'il aurait eu la force de la tenter. Du reste, quoique toujours taciturne et concentrée, l'adolescent s'efforçait de dissimuler ses sentiments dans l'espoir de déjouer plus tard l'inquiète surveillance de sa mère. Deux ou trois fois, il lui manifesta même le désir de faire un peu de musique et quelques lectures, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps, et malgré quelques moments de sombre préoccupation où il retomba parfois, son esprit parut plus calme. Un jour, il était avec sa mère dans le salon d'études, occupé à placer dans de petits pots de terre quelques bulbes de jacinthe précoces, lorsque le vent apporta le son lointain des trompes et les aboiements des chiens. Le jeune marquis chassait en forêt. Madame Bastien observa son fils sans que celui-ci s'en aperçût. Pendant un instant, une lividité jaunâtre s'étendit sur ses traits contractés, ses yeux étincelèrent, et ses mains se crispèrent si violemment qu'il brisa un fragile petit pot de terre qu'il tenait. Puis ses traits reprirent une apparente tranquillité et il dit à sa mère en tâchant de sourire et lui montrant les débris du vase « Il faut avouer que je suis un jardinier bien maladroit. » Cette dissimulation à laquelle Frédéric n'avait pas encore eu recours annonçait un nouveau progrès et pour ainsi dire une nouvelle période de sa funeste passion. Marie n'en attendit qu'avec plus d'anxiété l'arrivée de David. Depuis la scène de guet-apens dans la forêt, il n'y avait eu entre la mère et le fils aucune explication, aucune allusion même à ce sinistre incident. La jeune femme aurait été complice de Frédéric qu'elle n'eût pas éprouvé des angoisses plus terribles lorsqu'elle arrêtait malgré elle sa pensée sur cette tentative homicide. Elle avait même caché cette triste révélation au docteur Dufour, son ami le plus éprouvé. Aussi se demandait-elle si elle aurait jamais le courage de faire à David cet aveu dont elle sentait pourtant l'impérieuse nécessité. D'autres pénibles préoccupations agitaient Madame Bastien. Se souvenant de la dureté hautaine avec laquelle son fils avait accueilli les bienveillantes paroles de David le jour de la Saint-Hubert, elle ne pouvait songer sans inquiétude aux difficultés probables des relations de son fils et de son nouveau précepteur, dont l'avenue était encore un secret pour Frédéric. Madame Bastien s'était abstenue de prévenir son fils tant qu'il n'avait pas la certitude absolue de l'arrivée de David. Enfin, elle reçut un mot du docteur Dufour contenant ce billet de son ami. « Je prends la poste pour gagner 20 heures, mon cher Pierre. J'arriverai donc chez toi dans le courant du jour où tu auras reçu ces lignes, et nous nous rendrons ensemble chez Madame Bastien. » Plus de doute, David arriverait dans quelques heures. Marie ne pouvait tarder davantage à instruire son fils de ses projets. Elle se trouvait alors avec lui dans la salle d'études. Frédéric, poursuivant son plan de dissimulation, était assis à une table, s'occupant en apparence de traduire du français en anglais, travail à l'aide duquel il pouvait cacher l'attention de son esprit occupé ailleurs. « Frédéric, lui dit sa mère, quitte un instant tes livres et viens ici près de moi, mon enfant, nous avons à causer. » L'adolescent se leva et vint s'asseoir auprès de sa mère sur une espèce de canapé placé latéralement à la cheminée. Madame Bastien, prenant les mains de son fils dans les siennes, lui dit avec une tendre sollicitude « Comme tes mains sont froides, mon enfant. Vois-tu, ta table de travail est trop éloignée du feu. Tu as voulu te mettre au bout de cette pièce au lieu de rester là. Voilà ce qui arrive. » « Je vais, si tu le veux, me rapprocher, ma mère. » « Oui, tout à l'heure, mais je te l'ai dit, d'abord nous avons à causer. »« À causer, de quoi ?»« De quelque chose de très sérieux, mon cher enfant. Je t'écoute. » »« Les raisons qui m'avaient engagé à te choisir un précepteur existent toujours, quoiqu'il nous ait quittés. »« Il est des connaissances que tu dois acquérir et que je ne puis malheureusement pas te donner. »« Je n'ai maintenant, tu le sais, ma mère, aucun goût pour le travail. Il faudrait au moins tâcher de prendre un peu sur toi, de vaincre cette langueur, cet ennui qui t'attriste et me chagrine. Eh bien, je tâcherai. Je te crois, mais il me semble que si tu avais quelqu'un auprès de toi pour t'encourager dans tes bonnes résolutions, pour te guider dans tes travaux, cela vaudrait mieux. Qu'en penses-tu? Tu m'encourageras, toi. Cela me suffit. Je t'encouragerai à la bonne heure. Mais diriger tes nouvelles études, cela, je te le répète, me serait impossible. Aussi, ajouta Madame Bastien en hésitant et interrogeant son fils d'un regard inquiet, j'ai pensé qu'il était à propos de remplacer auprès de toi le précepteur qui nous a quittés. Comment le remplacer? Oui, j'ai pensé à te donner un nouveau précepteur. Ce n'est pas la peine de songer à cela, ma mère, je ne veux plus de précepteur. Si cela était nécessaire, pourtant, cela ne l'est pas. Tu te trompes, mon enfant. Je me trompe. Je t'ai choisi un nouveau précepteur. Tu dis cela pour plaisanter. Depuis longtemps, mon pauvre enfant, nous avons, toi et moi, perdu l'habitude de plaisanter. Et quand je pense à notre gaieté d'autrefois, il me semble rêver. Mais enfin, pour revenir à ce que je te disais, ton nouveau précepteur arrive. Il arrive, aujourd'hui. Frédéric devint pourpre, tressaillit, se leva brusquement et, frappant du pied avec colère, s'écria « Et moi, je ne veux pas de précepteur, entendez-vous, ma mère ? Mon enfant, écoute-moi, de grâce. Je vous dis que je ne veux pas de précepteur, renvoyez-le, il est inutile de le prendre, sinon il sera de celui-ci comme de l'autre. » Madame Bastien s'était montrée jusqu'alors tendre, presque suppliante avec son fils, mais ne voulant pas que sa condescendance dégénérât en faiblesse, elle reprit d'une voix à la fois affectueuse et ferme « J'ai décidé, dans ton intérêt, mon enfant, que tu aurais un précepteur, et je suis certaine que tu respecteras ma volonté. Vous le verrez. Si tu entends dire par là que tu espères lasser, rebuter ce nouveau précepteur par ton mauvais vouloir et tes emportements, tu as doublement tort. D'abord parce que tu m'affligerais beaucoup. Et puis parce que Monsieur David, c'est son nom, n'est pas de ces hommes qui se lassent et se rebutent. Peut-être. Non, mon enfant, car les dures paroles, les colères, loin de le blesser, lui inspire une tendre commisération remplie de bienveillance et de pardon, ainsi qu'il te l'a déjà prouvé, à moi. À toi, mon enfant, car tu l'as vu chez le docteur Dufour. Comment, cet homme est le précepteur que je t'ai choisi. C'est lui ? Dit Frédéric avec un sourire amer et sardonique. Après tout, tant mieux, je préfère lutter contre celui-là que contre un autre. De lui ou moi, nous verrons qui cédera. Madame Bastien regarda son fils avec plus de chagrin que de surprise. Elle s'attendait presque à l'irritation de Frédéric à l'annonce de l'arrivée d'un nouveau surveillant. Mais, quoique certaine de la longanimité de Henri David, qu'elle savait préparer d'avance à toutes les tribulations de la tâche difficile dont il désirait se charger, Marie, voulant épargner du moins à cet homme généreux un accueil blessant, qui ne l'irriterait pas sans doute mais l'affligerait et refroidirait peut-être son intérêt pour Frédéric, Marie s'adressa directement à l'affection de son fils, dont jusqu'alors elle n'avait jamais pu douter. « Mon cher enfant, » reprit-elle après un moment de silence, « je ne te dirai qu'une chose, et je suis bien certaine d'être entendue. C'est au nom de ma tendresse et de mon dévouement pour toi que je te prie d'accueillir M. David avec la déférence due à son caractère et à son mérite. Voilà tout ce que je te demande. Plus tard, l'affection, la confiance viendront, je n'en doute pas. Je me fie pour cela à ton bon cœur et aux soins de M. David. Mais si aujourd'hui tu ne te montrais pas envers lui tel que je le désire, je croirais, oui, je croirais que tu ne m'aimes plus, mon Frédéric. » Madame Bastien se jeta au cou de son fils en fondant en larmes, car ses paroles, pourtant si simples, « je croirais que tu ne m'aimes plus », exprimaient le doute le plus navrant qui pût déchirer son cœur. L'envie, la haine, en aigrissant, en dénaturant le caractère de Frédéric, n'avait pu altérer son amour pour sa mère. Mais la honte des mauvais sentiments dont il était possédé le rendait contraint, taciturne, et la conscience de n'être plus digne d'être aimé comme par le passé venait souvent arrêter sur ses lèvres l'expression de sa tendresse filiale. Cependant, entraîné cette fois par l'accent, par l'étreinte passionnée de sa mère, des larmes de regret et d'attendrissement lui vinrent aux yeux. Mais songeant tout à coup que la jeune femme allait mettre entre elle et lui un étranger, la crainte d'être pénétrée, la révolte contre une autorité autre que l'autorité maternelle, une sorte de jalousie d'affection, glacèrent soudain Frédéric. Ses larmes se séchèrent, et il se dégagea doucement des bras de la jeune femme en détournant les yeux. Celle-ci, ignorant la cause de cette froideur, crut à l'indifférence de cet enfant qui l'avait tant aimé. Mais voulant douter encore de cette révélation, elle s'écria, tremblante, éperdue. « Frédéric, tu ne me réponds pas. Tiens, je comprends pourquoi, oui. Tu penses que j'exagère, n'est-ce pas? Quand je te dis que si tu fais un blessant accueil à ton nouveau précepteur, je croirai que tu ne m'aimes plus, mon Frédéric. En effet, maintenant j'y réfléchis, tu dois penser que j'exagère. Mais tu vas me comprendre tout de suite. L'arrivée de ce nouveau précepteur, c'est, selon moi, ton salut et le mien. Vois-tu, c'est la fin de tes peines, qui, tu le sais bien, sont les miennes. C'est une nouvelle ère d'espérance et de bonheur qui va commencer pour nous deux. C'est à cause de cela que je te dis que si tu t'exposais à compromettre ton salut, que je regarde comme notre salut à tous deux, par ton blessant orgueil envers M. David, je croirais que tu ne m'aimes plus. Parce qu'enfin, ce n'est pas aimer sa mère que de la vouloir à jamais malheureuse et désolée. Tu vois, mon enfant bien-aimé, c'est grave ce que je te dis là. Je n'exagère rien, n'est-ce pas? Mais mon Dieu, Frédéric, Frédéric, tu détournes encore les yeux. Mais alors, tu veux donc que ce soit vrai, cet horrible doute que j'avais de ta tendresse? Et encore, je n'osais l'exprimer que sûr d'avance que tu ne me laisserais pas achever, que tu t'indignerais contre moi d'avoir seulement pu supposer que tu ne m'aimais plus. Et rien, rien, pas un mot qui me rassure, un silence glacial. Toi, toi, autrefois si tendre et toujours pendu à mon cou, mais au nom du ciel, qu'as-tu contre moi? Que t'ai-je fait? Depuis ce changement qui me tue, j'étais assez patiente, assez résignée, assez malheureuse. » À cette expression déchirante de la douleur maternelle, Frédéric fut encore sur le point de céder, mais, ressentant plus vivement encore la morsure de cette jalousie d'affection inséparable de toute tendresse, il dit avec amertume « Eh bien, vous êtes rassuré maintenant que vous avez appelé un étranger à l'aide contre moi, ma mère. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà que tu t'iris de ce que j'appelle un étranger. Mais voyons, sois juste. Que veux-tu que je fasse? Que je pense, que je devienne? Lorsque je te vois rester là devant moi, indifférent ou sardonique après tout ce que je te dis? Mon Dieu, il est donc vrai. En quelques mois, j'ai perdu toute influence sur toi, tout jusqu'à l'autorité des larmes et de la prière. Et tu veux que, impuissante à te sauver, je ne crie pas au secours, que je n'appelle pas quelqu'un à l'aide? Mais malheureux enfant, tu n'as donc plus la conscience du bien ou du mal. Rien de bon, de généreux ne vibre donc plus en toi. Voilà donc ma dernière espérance évanouie. Il ne me reste plus donc qu'à envisager une réalité terrible, car enfin, puisque tu m'efforces, ajouta Marie, pâle et perdue, et d'une voix d'abord si altérée, si basse qu'on l'entendait à peine, puisque tu m'efforces. Il faut bien te rappeler cette horrible scène, dont le souvenir à cette heure me glace encore d'épouvante. L'autre soir, dans cette forêt, enfin, dans cette forêt, tu as voulu tuer, lâchement tuer. Oh mon Dieu, mon fils, un assassin !» Cette dernière parole fut accentuée avec un si effrayant désespoir, accompagnée d'une explosion de sanglots si déchirants, que Frédéric pâlit et frissonna de tout son corps. À ce cri accusateur sortant de la bouche d'une mère, assassin, à ce mot terrible, vengeur, dont il s'entendait poursuivi pour la première fois, Frédéric eut conscience de la grandeur du crime qu'il avait voulu commettre. La lumière se fit soudain dans ce malheureux esprit depuis si longtemps obscurci par les noires et enivrantes vapeurs de l'envie, de la haine et de la vengeance exaltées jusqu'à leur dernière puissance par la jalousie. Car les louanges données par Marie Bastien au jeune marquis de Pontbriand avaient exaspéré les ressentiments de Frédéric. Oui, la lumière se fit dans l'esprit de cet infortuné, triste lumière, hélas, qui ne lui montra que la profondeur de ses maux incurables, triste lumière à laquelle l'adolescent se reconnut, se vit assassin, sinon par l'accomplissement, du moins par la pensée du crime. « Je le sens, mes jours sont à jamais empoisonnés par l'envie, » pensa-t-il. « Aux yeux de ma mère, je serai toujours un lâche, qui a voulu se venger par un assassinat. Dans sa pitié, elle fait encore de m'aimer, mais elle ne peut avoir pour moi que de l'horreur. » Marie, remarquant le mort de silence de son fils, son accablement mêlé d'effroi, l'expression de désespérance écrasante qui remplaçait son sourire contraint et sardonique, se demandait, dans une anxiété croissante, si la réaction de cette scène cruelle serait pour Frédéric funeste ou salutaire. À ce moment, Marguerite entra et dit à sa maîtresse « Madame, monsieur le docteur vient d'arriver avec un autre monsieur. Il désire vous parler. Les voici. » « Frédéric !» s'écria la jeune femme, en se hâtant d'essuyer les larmes dont ses joues étaient baignées. « Mon enfant, c'est ton nouveau précepteur, monsieur David. Je t'en supplie. » Marie ne put achever car le docteur Dufour entrait accompagné de Henri David. Celui-ci salua profondément Madame Bastien et en se relevant, il aperçut des traces de larmes récentes sur la figure de la jeune femme. Il remarqua aussi la pâleur livide de Frédéric qui le regardait d'un air défiant et sombre. Le nouveau précepteur aurait tout deviné, lors même qu'un regard suppliant de Madame Bastien ne fut pas venu l'éclairer sur la scène qui avait dû se passer entre la mère et le fils. « Madame, » dit Monsieur Dufour, désirant venir en aide à la jeune femme, « j'ai l'honneur de vous présenter mon ami, Monsieur Henri David. » Madame Bastien était si brisée par l'émotion qu'elle ne put que se soulever de son siège où elle retomba après avoir salué David, qui lui dit « Je tâcherai, madame, de me rendre digne de la confiance que vous voulez bien avoir en moi. » « Mon fils, » dit Madame Bastien à Frédéric d'une voix qu'elle tâcha de rendre ferme et assurée, « j'espère que vous répondrez aux soins de M. David, qui veut bien se charger de la direction de vos études. »« Monsieur, » dit Frédéric en regardant David en face, « vous entrez ici malgré moi, vous en sortirez à cause de moi. »« Oh mon Dieu !» murmura Madame Bastien avec un sanglot déchirant. Et écrasée de confusion, de douleur, ne tombant pas une parole, elle n'osait pas même lever les yeux sur Henri David. Celui-ci, jetant sur Frédéric un regard rempli de mansuétude, lui répondit avec un accent d'angélique bonté et d'irrésistible conviction. « Pauvre enfant, vous regretterez ces paroles lorsque vous commencerez à m'aimer. » Frédéric sourit d'un air sardonique et sortit violemment. « Docteur, je vous en conjure, ne le laissez pas seul !» s'écria la jeune mère en étendant vers le médecin ses mains suppliantes. Elle n'avait pas achevé ces mots que M. Dufour, lui faisant un signe d'intelligence, suivait les pas de Frédéric.